le bon Dieu te fin fait ciel avec la terre. Li patri tan y encore pour le faire. Li créé l'homme à son image. Li balayé comme compagnie. Li mette en paradis terrestre. Y ont pas souffri, y ont pas grand goût. Les baillots ont fruits défendus. Sinon manger, n'a pas péché. Satan te jaloux son rêve. Mais les dieux pour qu'ils ne pas manger. Eve dit non, non, bon Dieu, pas v'lé. Sinon manger, n'a désobéi. Adam pas tout là, l'ivine rivé. Elle dit manger et puis goûter. Adam dit non, non, bon Dieu, pas v'lé. Sinon manger, n'a pas péché. À peine goûter, puis valer. Bon Dieu paraît la contrôler. La désobéissance, Adam et Ève. N'aurait laissé un péché mortel. La malédiction vient résailler. Bon Dieu chasse nous dans le paradis terrestre. N'a pas souffri, n'a pas grand goût. De ça. À la suite de ton enfant, n'a pas mangé. Quelques jours après, bon Dieu arrivé. Elle dit Noé, bâti on lâche. Famille Noé, pas de jambes péché. Mais qu'on délige, caporal vivé. La pluie tombée 40 jours, 40 nuits. N'aurait laissé un délige universel. Famille Noé, pas de jambes péché. Priez bon Dieu pour y sauver. Noé fait sa vie regarder. Descendez. Descendez l'arche. Pas mon bon Dieu, rete paix.